Moi, qui viens d'un peuple chasseur de caribous, pêcheur de saumon, je marche pour ma survie. Alors, sur une chaise, ma vie a basculé. J'y ai perdu mon équilibre, si essentiel pour un chasseur nomade. Je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus le vent, je ne sentais plus rien. Sur une chaise, mon dos s'est courbé vers la sédentarité. Je ne pouvais plus marcher car cette chaise s'est figée. Moi, qui suis né sur un tapis de sapin, je retrouve aujourd'hui dans mes souvenirs le goût, le parfum, l'appel de mes sens si essentiels. Être libre, simplement libre de marcher. Sentir l'eau dans mes veines, sentir qui je suis. Sur une chaise, les nuages ne sont plus les mêmes, leurs formes sont étranges. L'horizon et l'aube ne se côtoient plus. Le chant du huard, je n'entends plus. Du haut de mes 3 ans, je regarde cette femme qui m'observe par l'intérieur. Elle m'apprend déjà la liberté d'être, de voir, de sentir les choses.